ton sourire, de ta volonté à reconstruire, de tes aventures, de tes croisières, de ta victoire face au cancer, de ton mariage, de ta grossesse, de ton pardon, de ta sagesse, de ta liberté loin de l'enclos, de ta différence, de ton drapeau. Oui, j'ai besoin d'air, je suis à découvert. De ces maladies qui nous condamnent, de ce jour où maman rendra l'âme, de cette jeunesse qu'on abandonne aux mains de ces fous aux idées folles. Oui, j'ai besoin d'air, je suis à découvert. Si tu m'aimes, rends-moi millionnaire. Ma gloire, mon ivresse, soit mon échelle pour monter l'Everest, soit mon alliance, ma marque de noblesse, dans la course au bonheur, soit mon moteur, ma vitesse. Je veux être riche en humanité, pour pouvoir en laisser en pourboire. La cupidité nous a endettés, remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir. Remplis-moi les poches d'espoir.